avec lui, je pourrais en avoir du chagrin. Prends mon cœur si tu veux, mais ne fais pas trop de folie, car un cœur, ça se meurt pour un rien. Le printemps qui s'en va s'en reviendra l'an prochain, mais un amour qui disparaît, lui, ne revient jamais. Prends mon cœur si tu veux, il contient tant de rêves bleus. Prends mon cœur, surtout garde-le. Laisse faire tous ces fous qui se dispersent à tous les vents, sans trop savoir que c'est à deux qu'on est heureux vraiment. À t'offrir rien que ça, je n'ai